Bonjour, Béatrice. Je vais commencer cet entretien en te demandant ton nom, où tu es actuellement, ici et maintenant, et si tu le souhaites ton âge. Alors, je suis Elisabeth Dro. Je suis dans mon salon, mais qui est aussi l'endroit où je reçois, en fait. Et j'ai toujours fait comme ça dans ma vie. Je trouve ça très confortable. Et j'ai bientôt, dans 5 mois, j'aurai 80 ans. Voilà. Oh. Comment tu vis le fait d'être une femme? Comment tu vis ton genre? Ah, super bien. Ah, je suis vraiment très contente d'être une femme. Et ça, depuis, je crois, toujours. J'aime notre capacité déjà à donner la vie, même s'il faut être deux, c'est quand même nous qui portons. Et ça, porter la vie, pour moi, c'est un cadeau merveilleux. J'aime beaucoup le sens des nuances, alors ce qui fait que je suis moins tranchée, hein. Mais voilà, j'aime cette capacité de la femme, la capacité d'accueil. J'aime l'intimité des relations, donc je trouve que je m'imagine que c'est plus facile pour une femme. Ah oui, je suis. Mais tu vois, je bénis le ciel de temps en temps, hein, d'être une femme. Voilà. Je suis aussi d'une famille où il y a beaucoup, beaucoup de femmes, de filles. Voilà. On est plutôt. Le sexe féminin est plus représenté dans notre famille que le sexe masculin. Voilà. Et j'ai aussi, et je suis très contente, je ne sais pas si je dois le dire là, mais je suis très contente aussi de pouvoir me servir d'un côté masculin que je sens très bien chez moi aussi. Mais être contente d'être une femme, c'est sûr, c'est ça qui domine. Et en tant que personne, qui es-tu? Ça, C'est-à-dire, oui. c'est une vaste C'est une question. très vaste question. Dans cette question, j'englobe tes intérêts, tes passions, comment tes qualités. Vraiment, ce qui te définit ici et maintenant, bien sûr, actuellement, mais qui es-tu maintenant comme personne? Écoute, la première chose qui me vient, c'est que je suis quelqu'un qui est passionné de la vie, en fait, j'adore la vie, voilà. Bon, ça, je pense que ça me caractérise, si bien que je me sens conserver un dynamisme, tu vois, qui à mon âge m'étonne, m'émerveille, c'est un cadeau. Voilà, ma passion, c'est de transmettre. Ma passion, c'est vraiment de transmettre. Je voudrais aller jusqu'au bout de ce que je peux, de ce côté-là, du côté de transmettre. C'est vraiment une valeur pour moi. Et cette valeur-là, elle est parce que je me sens aussi une personne très privilégiée. Et pour moi, ça va avec. Je me sens tellement privilégiée que j'ai envie que ça circule, que voilà, j'ai le sentiment d'avoir beaucoup reçu. Et du coup, Et du coup, naturellement, ben, ça, faut que ça circule, faut que ça aille dans le monde, faut que ça... Voilà, ça, c'est une chose très importante pour moi. Alors, un autre pan de ma vie qui est très important, c'est la famille. C'est une valeur énorme pour moi. Ce qui fait que j'ai beaucoup tardé à divorcer. J'ai divorcé à 68 ans, ce qui n'est pas courant. Tellement la famille était importante pour moi et pour mon ex-conjoint aussi. Hein. Et on se réunit toujours en famille. Et voilà, ça reste une grande valeur pour moi. Je suis quelqu'un de simple. Vraiment, je me sens simple, assez naturel. J'ai toujours l'impression qu'on me lit un livre ouvert. Voilà, j'ai les pieds sur terre, ce qui a été parfois douloureux dans mes formations. Parce que quand les autres planaient en l'air, moi je restais. Vraiment, je me disais, mais comment ils font? Comment ils font? Voilà. Mais du coup, ça me donne un grand équilibre. Je suis quelqu'un d'équilibré. Je suis une grosse gourmande. Tout le monde le sait. Et ça ne se voit pas? Tout le monde le sait, alors le chocolat en particulier. Mais je pense que je suis gourmande de tout. Tu vois, je suis dans la gourmandise, je mets aussi la curiosité. Si je m'écoutais, je ferais toutes les formations qui existent. Tu vois, j'ai de l'appétit, et au sens propre comme au sens figuré. J'ai beaucoup d'appétit et pour la vie et pour la vie aussi, pour tout ce qui se fait. Par contre, je trouve que je ne suis pas assez large d'esprit, ou c'est quand même assez focalisé sur tout ce qui a trait à l'humain qui m'intéresse, tu vois. Je suis absolument pas artiste. Je ne vais pas beaucoup dans les expositions, les concerts, etc. Tu vois, c'est quand même très centré. Autre chose qui me vient, c'est j'adore la randonnée. J'ai fait encore un trek au Cap-Vert il y a un an ou deux ans. Deux ans. Marcher et danser. J'adore danser. J'adore danser. Voilà, ce sont deux choses qui me plaisent beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire de moi encore? Je pense que je suis avant tout une mère. Je me sens meilleure mère que grand-mère parce que mon métier me, je ne sais pas comment dire, me prend beaucoup, me happe beaucoup. Et du coup, voilà, je donne moins de temps à mes petits-enfants que je n'en ai donné à mes enfants, qui étaient vraiment ma priorité. Alors, qui suis-je? Je suis, pour ce qui est professionnel, je me sens à la fois exigeante et bienveillante, et l'exigence, elle est de faire un pas de plus. Ça m'est égal, tu vois, où en sont les personnes. Ça, c'est OK pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est d'aider à faire le pas de plus. Alors, quand je dis ça, c'est vrai que je pense plus à la formation et à la supervision qu'à la, qu'à la thérapie. Enfin, je n'ai pas du tout peur des petits pas, ça m'intéresse. Les questions au ras des pâquerettes, ça m'intéresse. Voilà, c'est ceci. Et je suis quelqu'un qui est attiré par l'être humain, comment dire. Je le dirais un peu comme Lévinas, l'autre me requiert. L'autre me mobilise, me requiert. Voilà. Écoute, je crois que c'est le principal. Voilà. J'ai pas d'autre chose en tout cas qui me vienne dans mes émergences du ça. Oh ben, si ça vient plus tard, il sera toujours temps pour. Oui, oui. Ah, si, il y a une autre chose. Je suis croyante et pratiquante. Alors, ça a de la place dans ma vie et en même temps. Je ne suis pas épargnée par le doute. Et pourtant, à la fois, c'est assez curieux parce que, à la fois, peut-être que j'ai un peu quand même la foi du charbonnier. C'est un peu comme si c'était fondamental. Il y a quelque chose de ce côté-là. Et puis, de temps en temps, des doutes. Mais ça ne fait rien. Les doutes, je continue même à pratiquer, même avec les doutes. Je me dis, voilà, c'est comme une randonnée. Il y a des moments où c'est plus difficile. Et puis des moments où on s'émerveille et c'est magnifique. Bon, je dirais que c'est peut-être un peu comme ça, tu vois. Voilà, c'était quand même c'est marrant que ça vienne en dernier, parce que, en dernier, je ne sais rien, il y aura peut-être encore des choses qui me passeront. Mais c'est quand même un pan important. Important, tu vois, dans mes valeurs, mes valeurs, elles sont quand même très influencées, je pense, par ma foi, dans laquelle j'ai toujours vécu. Hein. J'étais dans une famille croyante, pratiquante. Voilà. Bien. Ça vient en dernier, peut-être parce que c'est aussi le plus à la base, en profondeur, et qu'on descend comme ça. Tu l'as dit plusieurs fois, je suis une privilégiée. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux me dire à propos des privilèges et du pouvoir? Alors, les privilèges, pour moi, c'est comment dire, sont des privilèges qui sont pas liés au pouvoir. Quand je dis je me sens vraiment très privilégiée, c'est tous les dons, ce qui m'a été donné et qui, tu vois, je suis en excellente santé, ce que je peux faire encore maintenant, mais je trouve que j'ai une chance formidable de pouvoir encore travailler, de pouvoir marcher, danser, c'est un privilège fantastique, ça. Le privilège d'avoir eu 4 enfants, ça aussi, c'est... Et que entre mes enfants et moi, je trouve qu'il y a une communication Formidable. Quel privilège. Quel privilège. Le privilège d'avoir rencontré sur ma route, alors là, si on va un peu plus du côté de le privilège d'avoir une mère très aimante et que j'ai pu modéliser, qui adorait la vie, qui me revient une anecdote pour te dire un petit peu. Quand une de ses arrière-petites filles vient avec un papier et un crayon pour l'interroger sur sa vie, la vie de son temps, la réponse de maman, c'est « Mais mon temps, c'est maintenant, ma petite fille !» Tu vois, elle avait 97 ans, quelque chose comme ça. Et c'était une femme pleine de vie et qui était très accueillante. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde à la maison. Il y avait toujours du monde, ça passait. Voilà. Du coup, j'ai un peu perdu ta question. Tu es en train de visiter tes privilèges et puis, voilà, que tu dissociais du pouvoir. Quel est ton rapport au pouvoir? Un autre privilège au niveau professionnel, ça a été de rencontrer vraiment des personnes que j'ai estimées, que j'ai aimées, qui peuvent me servir là aussi de modèle. Alors, je vais citer par exemple Serge et Anne, parce que je suis de la première promo de l'EPG, moi. Donc, c'est assez amusant. Je me suis rendu compte, et pourtant, je ne me sens pas du tout pionnière, mais je me suis aperçue que j'ai fait partie de la première promotion de l'EPG. Noël Salaté, il faisait pas une école, mais j'ai été dans les premiers. On a un groupe qui s'appelle Artex, qui dure depuis 35 ans, tu vois. J'ai Gilles Delisle, qui m'a aussi beaucoup, beaucoup marqué. J'ai rencontré Marie Petit, j'ai eu des stages avec Erwin et Myriam Polster, avec Janine Corbeil. Quand même, sont des grands de la Gestalt pour moi. Ernest Godin aussi. Ça c'est le côté vraiment, je me sens une privilégiée. Et puis, au niveau du pouvoir, je n'aimerais pas être en haut de la marche. Alors, je crois que je détesterais être, je ne suis pas assez tranchée pour prendre des décisions. Donc, être le chef, ça me tente alors pas du tout, du tout. Par contre, au niveau du pouvoir, si je forme, quand je forme, quand je suis thérapeute, quand je suis superviseur, quand je suis formateur, oui, j'aime bien évidemment avoir un impact sur ceux qui se forment, ceux qui se font superviser et sur les patients. Ça oui, si je fais ça, c'est bien parce que je voudrais que ça ait un impact, de l'influence au service de la croissance, que ce soit leur propre croissance personnelle, que ce soit la croissance de ceux qu'ils côtoient. Parce que moi, je suis dans la tête, j'ai vraiment en tête que je suis un petit chaînon, tu vois, un petit maillon. Et que si ce petit maillon, par exemple, a 6 personnes Si j'ai six personnes devant moi, je m'imagine qu'elles auront chacune six personnes qui, etc. Et du coup, même une contribution modeste ne me fait pas peur, bien sûr, mais même m'excite, me mobilise. Parce que j'ai en tête, ben oui, tout ça va faire des petits. Voilà. Donc le pouvoir dans ce sens-là, oui. Mais au niveau du pouvoir, quand même, je suis assez triste de voir comment, avec des personnes qui ont fait du travail beaucoup sur elles-mêmes, et voilà, même chez nous, comme le pouvoir peut être un enjeu qui crée beaucoup de blessures. Ça m'attriste et j'avoue que je comprends pas complètement ça. Voilà, pouvoir privilège. Voilà, je crois que c'est tout ce qui me vient en tout cas. Quelles sont les personnes, tu as cité des personnes que tu as eu la joie et le privilège de rencontrer, mais là, et peut-être que il y en a certaines qui font partie de ceux qui t'ont influencé. Qu'ont été les figures d'influence pour toi dans ta vie? Dans ma vie, pas seulement dans ma profession. Non, dans ta vie, oui. Alors, dans ma vie, ben, j'ai cité maman, moi, et je l'appelle maman parce que tu vois, ça va peut-être faire bizarre dans un interview, mais non, c'est son nom pour moi, ça reste maman. Alors, certainement, elle a eu une très grosse influence sur moi. Je dirais aussi mes enfants, parce qu'ils m'ont aidé à grandir. Ils m'ont aidé, mais tu vois, quand je dis ça, c'est y compris matériellement. C'est eux qui prenaient en charge la famille quand je me suis formée, par exemple, pour la Gestalt. Et ça a été un gros changement pour moi. Ça m'a énormément épanouie. Donc, bah, ça me donne l'occasion de les remercier parce que ils m'ont poussé vers ça, tu vois. Généralement, c'est le parent qui pousse à l'envolée de l'enfant, mais je peux dire que là, mes enfants, ils m'ont poussé vers l'envol. Donc, oui, ils ont aussi bien marqué. Sinon, professionnellement, ceux que j'ai cités, hein. Serge et Anne. Alors Serge et Anne, c'était plus au niveau. Je débutais tout juste. D'ailleurs, au passage, je ne comprends pas. J'avais une impression d'être vieille, alors que quand je vois la moyenne d'âge où commence, et j'avais l'impression que c'était ridicule de commencer à cet âge-là, je devais avoir à peine 40 ans, tu vois. Y a rien d'extraordinaire. Et je me rappelle de ça parce que c'était avec Serge et Anne. Donc, Serge et Anne, c'était surtout, c'est mon plus gros départ de changement. Je me suis beaucoup épanouie, ouverte. J'étais quelqu'un d'un peu trop resserré, classique. Voilà, d'ailleurs, ça m'amuse parce que j'avais un chignon à ce moment-là. Et régulièrement, quand je revenais, régulièrement, il y avait quelqu'un qui me faisait mon chignon et qui me disait, tu vois, c'est une anecdote, mais ça dit quelque chose du passage entre quelqu'un qui était Étriqué, c'est peut-être trop fort, mais quand même un peu formaté, hein, parce que on était quatre filles et un garçon, quatre filles à un an de distance chacune, donc c'était tout le monde était élevé pareil, on a les mêmes habits, voilà, c'est dans ce sens-là. Et là, ça m'a vraiment développée, épanouie, me permettre d'oser m'affirmer. Je me rappelle aussi d'un épisode avec Serge qui était un défi pour moi parce que j'étais encore assez timide. Je suis moins maintenant, mais je suis encore un peu. Et je ne sais plus quelle consigne il y avait, mais je m'étais retrouvée à danser seule devant tout le groupe. Et tu vois, ça c'était le genre de défi que m'a permis ce départ de formation avec Serge. Le point plus noir, c'était qu'on n'a eu aucune théorie. Je crois qu'on a eu une matinée théorique. Ah oui, c'était purement expérimentiel. Absolument. Expérientiel. Merci. J'ai cherché le mot. Et du coup, j'ai été vraiment ravie de compléter. Alors, avec un autre style complètement, après, je suis allée, juste en sortant de la formation, je suis allée avec Noël Salaté. Je ne sais pas comment j'ai eu la chance aussi. Parce que, voilà, moi, j'ai su qu'il montait un groupe de supervision. Et j'y étais tout de suite. Et voilà, je suis restée avec, je ne sais pas combien d'années, 25 ans, enfin, jusqu'à sa mort. Et alors là, tu vois, c'était la rigueur, la théorie. Et c'est lui qui m'a réconciliée avec la théorie. J'étais quelqu'un, et je suis toujours quelqu'un, c'est la pratique qui m'intéresse. On connaît dans ce fameux groupe Artex qui dure depuis je ne sais pas combien de temps, on me connaît pour être celle qui dit toujours « Oui, mais alors dans la pratique, oui, mais alors dans la pratique. » Et quand j'ai compris l'articulation théorie-pratique, eh bien ça, c'est Noël qui m'a permis ça. Et puis Noël a beaucoup contribué à approfondir, tu vois, tout ce qui était existentiel. Donc, à aller dans un autre aspect de la Gestalt qui n'était pas très développé. Et puis ensuite, il y a eu Gilles. Gilles qui, pour moi, alliait un peu les différents aspects parce qu'il y a beaucoup de rigueur. Chez lui, il y a le pédagogue, le chercheur pour moi, et le thérapeute tellement humain et fin. Ce que j'aime bien, c'est la finesse, les nuances. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup appris aussi. Vraiment, j'ai beaucoup appris des choses différentes avec les trois. Je trouve qu'ils se complètent énormément. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui m'a marqué, malheureusement, je l'ai eu trop peu longtemps en supervision, c'est Marie Petit. Marie Petit qui se voulait être le mauvais objet, la mauvaise mère. Et je suis allée en supervision un peu pour ça, pour être bousculée. Confronté. Et puis, finalement, si elle m'a confrontée, une fois, elle m'a bien bousculée avec une histoire de « mais tu empêches la dépression de tes clients », quelque chose comme ça. Tu vois, je m'en rappelle encore. Et voilà, c'était une belle confrontation. Je l'en remercie. Je ne sais pas où elle est maintenant. Je l'en remercie quand même parce que, du coup, en tant que superviseur, tu vois, je peux le dire aussi à mes supervisés. Est-ce que tu n'empêcherais pas? Voilà, donc Marie a été quelqu'un qui a aussi compté. Et puis tout récemment, mais j'ose à peine le dire parce que j'ai fait juste un stage avec lui, mais qui m'a tellement enthousiasmée, il y a Gianni Franceschetti. Cet homme-là, il me va droit au cœur par son humanité, mais aussi par son humilité. Moi, ce qui me fascine, sont ces gens intelligents, nuancés dans leur humanité et humbles. Ça, rencontrer des gens comme ça, je trouve ça super. Vraiment, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Voilà les personnes qui m'ont influencé. Je cherche s'il y a... certainement, il y en a d'autres auxquelles je ne pense pas forcément maintenant. Ce qui continue à m'influencer, c'est ben, tous les groupes, toutes les personnes des groupes dont je fais partie, hein, qui continuent à m'influencer. Donc, je fais partie de plusieurs groupes. Ça aussi, c'est important pour moi. Vraiment, ces groupes où à la fois il y a de la nourriture pour notre travail, à la fois des partages intimes, émotionnels, à la fois des parties de rire. Ces groupes-là, moi, c'est pareil, tu vois, je vis ça comme un privilège de pouvoir avoir ce genre de relation. Voilà, c'est aussi un privilège de faire partie de ces groupes. Voilà, je crois que c'est... Voilà, les personnes, comment elles m'ont marqué, comment elles continuent à me marquer. Hein, parce que tous mes supervisés, ils connaissent le trépied de la décision, du choix de Noël Salaté, la microgranulation de Gilles Delisle. Tu vois, je veux dire que je me sens reconnaissante justement comme m'ayant invité à passer, à transmettre ce que j'avais reçu. Et du coup, je suis curieuse parce que tu dis, donc tu avais 40 ans quand tu as commencé ta formation à l'école parisienne de Gestalt. Alors, comment tu es venue à la Gestalt? Ah, écoute, je suis venue à la Gestalt avec le premier nom important, je crois, que j'ai eu dans ma vie. J'ai fait des études de psycho au démarrage. Hein. Ah, quand même. Oui. Oui, j'ai fait des études de psycho. J'étais à Psychoprate, que j'ai trouvé une très bonne école. Et après, j'ai fait une école d'orthophonie, mais enfin, c'était juste une. Mais quand même, j'étais orthophoniste pendant quand même 15 ans. De base. Puis après, voilà, ça me manquait, la psycho me manquait. Donc, je suis retournée faire un petit tour, d'ailleurs, à la fac à ce moment-là de Lille, en formation permanente. J'ai adoré aussi. C'est une formation permanente très, très ouverte. Il y avait de la PNL, de l'analyse transactionnelle, du Rebirth. La Gestalt n'existait pas vraiment. Et assez marrant, tiens, parce que ça, c'est un souvenir que je n'ai pas eu depuis très longtemps. C'est que. Il y a quelqu'un, ça répond pas tout à fait à ta question, mais je reviendrai après. Il y a quelqu'un qui m'a fait confiance à l'université de Lille pour introduire la Gestalt à l'université. Et j'ai trouvé ça absolument merveilleux alors qu'il ne savait pas trop ce que c'était, tu vois. Donc je pense que Je pense que ça n'existait pas ce moment-là. Tu vois? Et franchement, c'était les années 83. Ça a débuté en 83. J'ai commencé par un stage, puis après deux, trois, quatre. Et voilà, ça fait des petits pains. Et ça, c'est... Pareil, je remercie beaucoup cet homme de m'avoir accordé sa confiance un peu comme ça. Et ça a été un plaisir pour moi d'animer ce stage. C'était un véritable plaisir. Mais comment j'ai connu? Donc, j'avais commencé le conseil conjugal en région parisienne. Et au deuxième sorte d'examen, je ne sais pas quoi, ils m'ont dit, mais dans ce temps-là, le conseil conjugal, c'était plus tourné vers 3-4 entretiens, tu vois. Ce n'était pas des thérapies. Hein. Et ils m'ont dit, mais non, vous n'êtes pas faite pour ça, vous êtes faite pour la thérapie. Vous êtes faite pour la longue durée. Bon, alors j'étais un peu dépitée, mais bon, Et du coup, à Lille, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Michel Roth, qui a fait partie de changer l'école où j'ai beaucoup travaillé, et qui m'a dit, ah ben tu sais, qui m'a parlé parce qu'elle faisait partie du conseil conjugal, et elle était dans ma première promo, dans la première promo avec moi. Et elle m'a dit qu'il y avait Serge Inger, etc. C'est comme ça que je l'ai connu. Et tout de suite, c'est pareil, il m'a fait confiance tout de suite. Je n'ai pas eu grand-chose à faire pour être admise à la formation. Voilà comment je suis venue à la Gestalt. Et j'en suis très contente et reconnaissante. Voilà. Beaucoup de gens t'ont fait confiance dans ta vie. Tu inspires confiance. Sans doute, je pense. Je pense que j'aspire assez facilement la confiance. Et du coup, me vient aussi, je pense que c'est une caractéristique de mes groupes. Je viens d'animer un groupe la semaine dernière. Et en effet, il y a une participante à la fin du stage. Je ne connaissais personne, c'était la première fois. Il y avait une personne que j'avais vue une fois. Et pour moi, la confiance, c'est le socle. Je suis vraiment très attentive et je demande à chacun de mettre sa pierre pour qu'il y ait de la confiance, parce que je pense que la croissance, elle ne se fait que basée là-dessus. Du coup, c'est vrai que j'ai l'habitude que dans les groupes, tu vois, même un groupe où je ne connais quasiment personne, l'habitude que la confiance se crée très vite. Et il y a une personne du groupe qui a dit, bah, moi, c'était une gageure, on ne se connaissait pas, tu ne nous connaissais pas. Et dès le premier jour, il y a eu cette intimité. Il faut dire que le premier jour, le thème, c'était comment favoriser l'intimité. Donc, voilà. Mais ça m'émerveille toujours. Ça m'émerveille de voir comment, en effet, les personnes qui s'inscrivent contribuent chacune à cette confiance qui augmente peu à peu. Et du coup, je perds complètement ta question, tu sais, quand je... Non, pour moi, tu complètes qui es-tu? Alors moi, parce qu'on était sur cet axe, tu te rendais compte, on t'a fait confiance, et pour moi, c'est aussi quelque chose qui parle de toi. Puis en même temps, non, tu t'éloignes pas, tu pars à la Gestalt. Mais je vais t'y ramener, parce que cet élément de confiance me fait penser à la question qui est... quelle est la situation de vie qui t'a demandé le plus d'aller chercher dans tes ressources? Et J'associais la confiance avec le, avec ton fond. Enfin, voilà, j'étais dans ma cuisine. Ça, c'est très facile à dire au niveau de ma vie personnelle. Tout de suite, ce qui me vient, c'est juste avant le divorce, comme la préparation. Le moment où j'ai su que j'allais divorcer est le moment de l'annonce. Ça, ça a été un moment que je ne voudrais pas revivre. Ça a été très difficile, cet espace de temps où moi je savais quelque chose que je ne pouvais pas encore partager, ça a été très très difficile. Voilà, ça c'est la situation, parce que je trouve que, bon, après j'ai toutes les situations où je sens mes enfants traverser des moments difficiles. C'est toujours difficile pour moi. Mais je pense que là, j'ai acquis quand même beaucoup de capacité à ne pas me fondre. Ouais. Mais ça, c'est vraiment acquis et je pense que la Gestapo a aidé. Voilà, à laisser, oui, c'est leur vie, je ne peux pas, je ne suis pas toute puissante, je ne peux pas leur éviter les aléas de la vie. Et à ce moment-là, ma ressource, je pense, c'est justement de pouvoir rester envie, continuer à vivre comme je le fais d'habitude, même quand je traverse des moments difficiles. Sinon, au niveau professionnel, alors je souris parce que pendant longtemps, j'avoue avec un petit peu, c'est pas de la honte, c'est un peu de gêne, mais j'ai envie de le dire quand même. Que j'avais très peu de transferts négatifs. Ah, tiens, comment ça se fait? Comment tu œuvres pour ne pas avoir de transferts négatifs, ma belle? Bon, et ben après j'ai été servie. Oui, j'en ai eu quand même deux ou trois vraiment costauds. Vraiment costauds. Mais il y avait, comment dire, j'ai plus de ressources pour affronter quelqu'un qui me confronte, qui m'attaque frontalement. Là, tu vois les pieds sur terre, j'ai des assises, je me sens quand même solide. Oui, oui. J'entends que tu ancres tes pieds dans le sol, tu as tapé tes pieds. Oui, tu... Ah oui, les mains sur mes cuisses, les pieds dans le sol, et on y va, et on reste en contact. Ah oui. Par contre, je suis beaucoup plus déroutée par les attaques, je ne sais pas comment dire. Pernicieuses. Voilà. Je sais beaucoup moins faire. Tout ce qui est manipulation, tout ce qui est la perversité, la manipulation, les attaques en dessous, je ne sais pas faire. Je suis beaucoup trop naïve, déjà. Et étonnamment, je conserve un degré de naïveté qui n'est pas tout à fait normal à mon âge. Je pense... si tu veux, je crois que je manque d'esprit critique. J'aimerais bien acquérir plus d'esprit critique. Ouais. Ça, j'ai encore à apprendre de ce côté-là. Ta question, c'était les ressources par rapport à une situation qui a été extrêmement difficile au niveau professionnel. C'est avec une cliente suicidaire pendant plusieurs années et qui m'a sollicité pour, je ne sais pas comment dire, l'aider dans son suicide. Ah oui, à la mise en acte de son... Et là, tu vois, j'en reparle, j'ai encore les frissons, pourtant ça fait très très longtemps. J'ai encore des frissons et je vais te dire ce que j'ai fait après. Eh bien justement, je me suis précipitée à l'église, tellement j'étais bouleversée. Et j'ai même... Il y a souvent un prêtre qui est là pour écouter. Et je lui ai dit face à quoi je me trouvais. Et il me dit... On ne va pas être dans le fer. Venez, on s'est tous les deux mis au fond de l'église. Il m'a accompagnée dans la prière. Et ça a été un beau moment. Tu vois, cet homme-là qui a juste fait ce geste de venir avec moi. Mais c'est vrai que ça a été bouleversant, ce moment-là. Mais par contre, cette cliente-là, elle m'a... Tu vois, je pourrais presque la mettre dans les personnes qui m'ont aidé à grandir. Parce qu'elle m'a fait réfléchir sur mes valeurs, sur... voilà. Elle m'a changer, à contribuer à un certain changement. Voilà, c'est ces situations-là qui me reviennent le plus. Sinon, la chose que je redoutais le plus, mais ça, bon. Ça ne m'est pas arrivé ou je n'ai pas voulu le voir. Je redoutais le transfert amoureux. Alors ça, ouais, c'est quelque chose que je redoutais. Je me disais, je n'aurais jamais fait avec ce truc-là. Mais tu redoutais de l'éprouver toi-même ou que quelqu'un l'éprouve pour toi? Bah, écoute, c'était surtout... ce qui était conscient, c'était surtout que quelqu'un l'éprouve pour moi. Parce que tout simplement, j'imaginais pas que ça pouvait se passer dans l'autre sens. Tu vois, voilà une certaine naïveté. Et j'ai toujours pensé qu'à mon âge, même à 40 ans, j'aurais sans doute peu ce problème-là. Et voilà. Mais ça, c'est quelque chose, je n'ai pas eu à le confronter ou à le vivre, mais c'était quelque chose que je redoutais. Tu t'es peut-être débrouillée pour que ça ne t'arrive jamais. Écoute, je repense à deux personnes, en effet. Bon. Tu peux... Il y en a une, je dirais, à quelqu'un d'autre. je ne savais pas. Tu vois, maintenant, voilà par exemple quelque chose que Gilles, je l'aurais connu avant, je pense que ça m'aurait fait moins peur. Maintenant, voilà, je vois vraiment ce qu'on peut en faire. Mais là, j'avais rien eu là-dessus. Je débutais et voilà. Voilà les situations en effet où j'ai dû faire appel à mes ressources. J'avais une question quel était le souvenir dans Gestalt qui t'avait le plus impacté, mais tu as répondu Ah oui, ah, tu as parce que répondu. celle-là, c'est celle-là. Alors, il y a des situations, et peut-être que tu auras une autre question après où ça sera mieux venu. Bah, écoute, il y a peut-être quelque chose qui va se rejoindre. Et tu tournes autour en fait de plusieurs questions parce que j'avais aussi envie de savoir comment la Gestalt thérapie t'a construit, mais tu as aussi en partie répondu à ça. Il y a peut-être quelque chose où tu as envie de compléter ce que tu nous as déjà dit. Non, je pense qu'elle a... elle m'a rendu. Je pense que au départ, j'avais un socle solide, si tu veux, mais elle m'a encore solidifiée dans les parties qui étaient peu émergentes. Elle m'a plutôt ouverte. Oui, ouvert, développé, agrandi. Elle m'a donné des permissions, tu vois, la Gestalt. Des permissions d'être beaucoup plus moi-même, des permissions de sortir de l'emprise. En croyant plus en moi, finalement, c'est-à-dire de l'emprise, parce que c'est avoir suffisamment confiance en soi pour dire non à l'autre. Voilà, c'est surtout, mais c'est ce que je considère, si tu veux, pour la Gestalt en général. Moi, je la vois toujours sous forme de continuum, où il s'agit pas tant de lutter contre quelque chose, mais toujours d'agrandir, d'ajouter. Et comme ça, le négatif prend moins de pouvoir, justement. Si j'ajoute, si... Et vraiment, ça, par exemple, c'est un concept de la Gestalt que j'aime beaucoup, ce continuum où il n'y a pas tant à combattre quelque chose que à plutôt agrandir, pour assouplir. Ça, j'aime bien cette idée-là. Voilà, elle m'a permis de plus m'affirmer. Dans la Gestalt, les concepts, tu viens de parler d'un, hein, cette affaire de continuum. Est-ce qu'il y a quels sont finalement les concepts auxquels tu es le plus attaché, ou qui ont le plus de sens, ou auxquels tu reviens facilement? Alors, déjà, d'une façon globale, ce qui me vient, c'est que je m'inscris dans la famille PGRiste, c'est-à-dire dans la famille de la psychothérapie du lien ou de la PGRO. Maintenant, c'est vraiment mon style. C'est ça que je fais, c'est ça que j'enseigne. J'ose dire que c'est comme ça que je suis aussi un peu. Voilà, donc je suis dans cette mouvance-là. Et c'est vrai que du coup, toutes les nouveautés qu'a amenées Gilles me correspondent tout à fait. Je pense que c'est là-dedans que je me trouve le plus à l'aise. Donc, j'adore passer dans ce qu'on appelle nous les différents champs, c'est-à-dire j'adore passer du passé au présent, à l'avenir, voir comment justement le fond, le socle colore le maintenant et vers quoi il va aller si on laisse les choses en état. Voilà. par exemple. Donc, au niveau de la stratégie, les 3 R, comme on les appelle, la stratégie de la thérapie avec une phase où le client est plus dans le transfert, qu'on laisse plus se développer qu'en gestalt classique. Et puis une phase où on cherche le sens de ces reproductions qui font souffrir, mais quel sens ça a avec la multiplicité des sens, c'est-à-dire qu'on n'en a jamais fini d'éclairer une même chose avec différentes bougies si on était dans une grotte. Et ça, c'est quelque chose de la recherche de sens, c'est quelque chose qui m'impacte aussi beaucoup. Et puis, du coup, la nouveauté à donner, pour moi, elle découle du sens. C'est-à-dire que les expérimentations, elles ne vont pas être basées sur directement, par exemple, les reproductions qui font souffrir. Je tiens à passer par le sens avant de proposer la nouveauté, parce que sinon, il y a quelque chose d'un peu artificiel, je trouve, qui peut tomber à côté. Voilà. Alors, bien sûr, les concepts à la base de contact, de processus, de champ, je trouve ça génial d'avoir ces concepts-là de base. Avec Noël Salaté, je me suis aussi ouverte à toute la partie existentielle. Où est l'angoisse ? Où est l'angoisse, voire où est le déni de l'angoisse? Ça m'intéresse aussi beaucoup, toute cette partie-là. Donc voilà des concepts qui m'aident énormément. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais... Je ne sais pas s'il y aura des PGRistes qui regarderont cette interview, mais le concept de ce mot qui est quand même difficile à avaler, les micro-champs introjectés, cette ambiance relationnelle dont nous colorons assez facilement nos relations maintenant, c'est un outil extrêmement précieux pour moi, ça aussi. D'aller chercher comment le patient colore son être au monde. Alors, quelle est sa manière d'exister? Où est-ce que se forge son sentiment d'existence? Toutes ces questions-là sont des questions que je me pose. Comment il organise son expérience? Toutes ces des questions... Tu vois, je suis en train de me dire toutes les questions que je pose, quel est le besoin du client. Voilà, toutes ces questions-là, elles sont continuellement à ma disposition. En fait. Et moi aussi, je me sers énormément aussi, j'avais oublié, mais de mon contre-transfert. Beaucoup. Le concept d'identification projective est un concept qui a aussi changé ma pratique, qui me sert beaucoup, j'en fais plus, mais quand j'en faisais dans les couples, le travail avec les couples, ça c'est primordial pour moi, le travail avec les couples, ce concept-là. Et du coup, ben, je regarde comment je me laisse configurer dans mon contact avec ce client-là, et vers quoi, vers quelle facette de moi il m'appelle, quelle est la facette de moi qui est plus mobilisée au contact de tel ou tel client. Voilà, tous ces concepts-là et vraiment j'aime bien cet aspect. Passer de la théorie à la pratique, Et je prends énormément de notes, beaucoup trop de notes. Je ne sais pas par rapport à quoi. Par rapport à mon imaginaire qui serait plus synthétique. Et aussi, et attention, moi, je suis très contente de prendre des notes et je trouve ça très précieux. Et il y a que je pense que je pourrais être plus synthétique. Mais voilà, il faut bien qu'il me reste des choses jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Améliorer, ouais. Faire confiance plus dans le fond, finalement, peut-être. Tu parlais du plaisir de retrouver ton appartenance à plusieurs groupes. Oui. Pour toi, est-ce qu'il y a une communauté Gestalt est-ce que tu sens en faire partie? La deuxième partie, je dirais oui, ce qui implique qu'il y en ait une, puisque j'ai envie d'en faire partie. Mais laquelle? mais ça me soucie beaucoup, ça m'attriste beaucoup qu'elle soit comme éclatée pour moi. Ça, c'est quelque chose qui me soucie, qui ne me va pas. Que je ne comprends pas bien. J'avoue. Je ne comprends pas bien. Moi, mon rêve, ça serait que les différents courants discutent ensemble. Hein. Je trouve ça tellement naturel, tellement la vie. Les échanges, c'est vital. C'est vital. Et je trouve que cette espèce de rejet un peu, ça ne me plaît pas du tout. Après, je sais pas si après le regroupement de Bordeaux, on avait fait un groupe où c'était vraiment sympa. Il y avait justement des représentants un peu de tous les courants. Et c'était merveilleux et ça se passait très bien, très bien. Bon, c'est ça dont je rêve. C'est ça dont je rêve. Et même à la limite, tu vois. De discuter sur un sujet avec d'autres méthodes. Mais là, on parle de la communauté gestaltiste. Ah, mais oui, il y a de la place pour tout le monde. On est tous différents, donc pourquoi ne pas avoir des styles différents? Moi, ça me paraît très gestaltiste. Mais il n'y en a pas un qui est forcément mieux que l'autre. Il y a celui qui est le plus adapté à notre tempérament, à nos goûts, à notre façon d'être. Voilà. Et si je peux m'enrichir, ce qui était le cas dans ce groupe, d'autres façons de faire ou être, mais tant mieux de. Voilà. Donc, je suis très triste. Et ça m'affecte quand. C'est là où je me dis que je fais bien partie de la communauté gestaltiste parce que. Quand il y a des manquements, surtout des manquements théologiques, voire éthiques, ça me fait mal. Ça me fait mal d'entendre ça dans ma communauté. Que ça vienne de quelque courant que ce soit, c'est là presque où je m'aperçois le plus que je fais partie de. Mais sinon, moi, je suis quelqu'un de très, encore, de très fidèle. Et j'ai manqué une seule assemblée générale depuis que la Société française de Gestalt existe. Donc, depuis sa création, tu vois, j'ai été engagée à un certain moment. Là, je me désengage petit à petit. Mais ça reste important pour moi. On pourrait peut-être dire que maintenant, ça fait partie de mon identité, être gestaltiste. Tu as évoqué, à travers mes questions, plusieurs choses que tu as faites. Hein. Tu as fait des études de psychologie, tu as été orthophoniste, tu t'es formée à l'EPG et puis à divers courants, écoles. Et tu te formes toujours, mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu en as fait de la gestalt pour toi, dans ton exercice Question difficile, parce que c'est tellement, on dirait, synthone au moi, que je ne sais pas trop. C'est presque les autres qui pourraient plus répondre à cette question que moi. Moi, je fais de la gestalt à l'Elisabeth Trou. Non, quand même, je m'inscris quand même très, très, très nettement dans le courant, en tout cas, de la PGR. Oui, oui. Ça, c'est évident pour moi. Ceci dit, quand j'enseigne ou même dans, je me sers quand même beaucoup de ce que j'ai reçu de Noël, hein, que ce soit pour essayer de comprendre l'angoisse, que ce soit dans sa conception en particulier du choix et de la responsabilité. Je suis quelqu'un qui est bien confronté à la responsabilité. Dans le positif comme dans le négatif. Parce que souvent on le prend au niveau de négatif. Non, non, j'aime bien que les personnes comprennent ce qu'elles ont fait pour aller bien aussi. Hein, qu'elles se sentent responsables aussi d'aller mieux. Donc, quel gestalt je fais? Peut-être alors un grand truc qui me revient aussi par rapport à Noël Salaté, c'est rester libre avec mon client. Et c'est pas toujours facile. Tu vois. Garder la liberté de dire ou de ne pas dire. Dans des situations très difficiles, c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, ça... Mais ça sera peut-être plus tard. C'est un grand projet de ma vie. Hein. Ça, c'est le projet de ma vie, la liberté. La liberté ? Ouais. Écoute, tu anticipes. Alors, comment je vais t'amener cette question ? Donc, tu as été gestalt-thérapeute, tu es formatrice, tu es enseignante à Lille. J'ai oublié le nom de l'école, mais... Changer. Voilà. Oui, c'est ça, changer. Voilà. Tu fais de la supervision. Et j'allais en dire, mais quel est ton projet pour. C'est quoi ton next à toi ? Et alors, j'ai entendu la liberté. Oui. Déjà, ce qui me vient en premier, c'est qu'il faut que je me dépêche. Pour le next, il est grand temps. C'est une belle pression existentielle pour faire des nouveaux. Voilà, mais le projet de base jusqu'à la fin de ma vie, c'est vraiment gagner en liberté. Il y en a beaucoup qui le savent parce que je le dis, je veux gagner en liberté. Y compris avec les limites du vieillissement. J'avais été coordinatrice d'une journée d'études sur croissance et finitude. Et je me vois toujours pouvant vieillir en me disant, ça je ne peux plus, mais je me le dis déjà, je ne peux plus par exemple danser une soirée entière comme je l'ai fait pendant des années, des années, des années. Et je m'émerveille et je jouis de pouvoir danser, même si c'est moins longtemps, tu vois. Et bien ça, je voudrais éprouver ça jusqu'à la fin de ma vie, y compris si je suis paralysée, pouvoir avec mes yeux regarder encore, pouvoir dire non, c'est pas cette soupe-là que j'aime, j'en voudrais une autre. Mais même si ce sont, ce que je veux dire, c'est que ben, ça rejoint les petits pas, ça rejoint, même si c'est minime, ce que je veux, c'est éprouver ce sentiment. Tu vois, que je suis libre. C'est, peu importe presque le comment, c'est me sentir libre. Ouais. Et là, c'est bien parce que j'ai encore du boulot. Donc ça va. Tu ne vas pas t'ennuyer. Hein? Non, non. Non, ça, je ne crois pas que je m'ennuierai. Je ne crois pas. Et après, bon, bah, je vais transmettre jusqu'à ce que je puisse lui transmettre. Et puis après, ça sera quand même très difficile, je pense. D'arrêter. Le moment où j'arrêterai complètement sera un moment pas facile parce que j'éprouve tellement de joie, d'enthousiasme même à ce que je fais. Je m'émerveille, je suis pas du tout blasée. Tu vois, par exemple, je fais référence à ce groupe que je viens de. À ce stage que je viens d'animer, mais je continue à m'émerveiller devant cet être humain capable de changer, capable d'échanges authentiques, de croissance, je pense que ça aussi c'est quelque chose qui pourrait me caractériser, tu vois, je suis pas blasée, je m'émerveille, je m'émerveille. Ouais. Oui, et voilà, dans le next, c'est transmettre jusqu'à ce que je puisse plus. Je me fais assez confiance pour quand je ne pourrai plus travailler. Je trouverai bien une asso qui, voilà, dans laquelle je pourrais faire quelque chose. Voilà. J'ai pas un souci au niveau d'avoir quelque chose à continuer à faire dans le monde. Mais par contre, je pense que je ne me leurre pas sur... ça fera sûrement quand même un choc quand j'arrêterai complètement de travailler. Voilà. Je pense que c'est ma dernière question. Comment tu vois l'avenir? Qu'est-ce que tu souhaites pour le next, la Gestalt en général? Comment tu imagines ça et qu'est-ce que tu... Ben, déjà, comme je t'ai dit, qu'il y ait moins de querelles de chapelle, que l'on puisse du coup approfondir, que chaque courant puisse approfondir dans son propre courant, peut-être élargir. Je connais forcément mieux ce qui se fait dans la mouvance Gilles de Lille, mais tu vois, bon, un élargissement, c'est par exemple... qu'est-ce que ça serait pour les enfants la PEO, qu'est-ce que c'est dans les quand on n'a pas beaucoup de temps, qu'est-ce que ça devient, enfin, élargir avec telle catégorie de personnes, est-ce qu'il y aurait à aménager quelque chose, tu vois, c'est ça, c'est creuser à la fois en termes d'horizontalité, voilà, pour s'adapter le plus possible à notre temps et au changement. Et puis, creuser en profondeur des concepts, voir ceux qui sont le plus utiles, ceux qui sont peut-être moins utiles, obsolètes, qui sont... voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais que le courant Gestalt se poursuive. Ça, franchement, oui. Oui. J'aimerais vraiment. Je trouve ça un beau courant. Et justement, moi, j'ai choisi la Gestalt par rapport à la liberté. Par rapport à la liberté que ça me laisse d'être finalement qui je suis avec mes limites et mes ressources. Je trouve ça, c'est ça que je trouve beau. Et non, il y a une autre chose aussi que je trouve, mais c'est plus dans la question, mais ça me revient. C'est qu'en Gestalt, on peut partir de quelque chose qui est minime. Minime, un tout petit phénomène, un geste, juste un mot. Et on peut le déployer et ça peut amener à vraiment quelque chose du fond. Ça aussi, je trouve ça assez étonnant et formidable. Parce qu'il y aura toujours une figure, y compris le silence. Voilà, on se sert de la figure qui est là. Et c'est une extrême liberté. Et peut-être que je peux aussi terminer en disant que c'est assez étonnant, mais c'est en animant un groupe que je me sens le plus libre. C'est vraiment, j'ai un éprouvé de liberté d'avoir le droit d'être qui je suis, et c'est en animant des groupes de formation que ceci est le plus fort chez nous. Donc voilà, j'aimerais continuer ça le plus longtemps possible. On est arrivé au bout de cette interview. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas dans les questions que j'ai posées, mais que tu as envie de dire quand même? Non, je suis. Tu vois, déjà que je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai été bavarde, c'est pas possible. Je ne sais pas combien de temps on a mis, parce que je n'ai pas regardé la montre. Moi non plus. Mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup, beaucoup parlé. Peut-être trop. Et puis, comme tu m'as dit qu'on ne pouvait pas enlever, ça va faire peut-être un peu. Je ne sais pas. Mais voilà. Ça, c'est ma spontanéité aussi. Mais moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime dans ces rencontres et dans ces interviews. Et justement, c'est cette liberté dont tu parles. Ouais. D'être qui tu es, comme tu es ici et maintenant avec moi, pour moi c'est un enrichissement, je suis sûre pour ceux qui vont regarder, c'est un enrichissement aussi qu'elle partage, donc merci beaucoup. Merci à toi, parce que c'est une expérience là aussi nouvelle. Voilà, donc d'avoir pensé à moi, c'est un cadeau notre petit entretien là. Mais parce que tu m'as fait à moi aussi l'effet que tu fais à tout le monde. Moi, dès que je t'ai vu, je t'ai fait confiance et c'est quelque chose que je n'ai pas oublié, tu vois. Donc voilà. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, peut-être au revoir sous une autre forme, et à bientôt sous une autre forme. D'accord.